le mercredi 30 novembre, ici Dominique Lelièvre et les informations. Un juge de la Cour du Québec vient de déclarer illégal et inadmissible la preuve recueillie par les photos radars. Le juge Serge Simon se penchait sur le cas d'une femme qui a contesté une amende de plus de 1 000 $ pour avoir été photographiée à une vitesse de 140 km/h dans une zone de 70. Le juge souligne que les policiers qui remettent ce genre de constat sur la base d'une image n'ont pas été témoins de l'infraction et ne peuvent pas garantir que l'appareil était bien calibré, ce qui rend, selon lui, caduque ce genre de preuve. La décision pourrait créer un précédent important puisque cela risque d'inciter de nombreux automobilistes à contester leur contravention. Le gouvernement a désormais 30 jours pour porter cette cause en appel, mentionnant que depuis leur mise en place en 2009, les radars photos ont généré près de 700 000 constats d'infraction et 92 millions de dollars en revenus. Le corps d'une femme aurait été retrouvé à lac Beauport à l'issue d'une importante opération policière qui s'est mise en branle la nuit dernière. Les enquêteurs avaient annoncé plus tôt être à la recherche d'un corps en lien avec une disparition survenue plus tôt cette année sans pouvoir révéler l'identité de la personne. On ignore également si ces recherches sont liées à une cause criminelle. Des techniciens en scène de crime sont sur les lieux. L'endroit ciblé se trouve dans un secteur boisé et isolé au nord de Québec sur le chemin du barrage près de la traverse de Laval. Le concours de sculpture sur neige du Carnaval de Québec sera de retour pour une 45e édition. Effet nouveau, le concours est désormais accessible gratuitement, en plus de déménager au Parc de l'Amérique française situé près du Grand Théâtre de Québec. La compétition, qui se déroule en 2 volets, sera accessible pendant 10 de jours à la fin janvier et au début février. Enfin, le Musée national des beaux-arts du Québec effectue un rapprochement avec la France. Pour la première fois, l'institution québécoise a lancé sa programmation 2017 en exclusivité à Paris pour faire la promotion de ses expositions auprès du public et des médias français. Selon ce que rapporte Radio-Canada, de nombreux artistes français seront mis en valeur en 2017 dans les murs du musée québécois, avec notamment l'exposition Manif d'art qui sera présentée au pavillon Pierre Lassonde à partir du 18 février. Soleil, pluie, neige, vent, tempête, météo. On attend 10 cm sur Québec la nuit prochaine et pour la journée de demain, jeudi, et même jusqu'à 20 cm sur les secteurs nord de Québec. Pour aujourd'hui, c'est nuageux avec des vents du nord-est de 20 km/h avec rafales à 40. On attend 2 degrés aujourd'hui et c'est ce qu'on a présentement à Québec. Demain, jeudi, c'est donc de la neige avec un maximum de 1 degré. Vendredi, 60% de probabilité d'averse de pluie ou de neige avec 1 degré. Et pour le moment, la fin de semaine, annonce très ensoleillée.